Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 25 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 25 avril 1973, Raphaël, jour de l'inauguration du périph', le périphérique parisien, en tout cas son dernier tronçon, qui relie la porte Dauphine à la porte d'Asnières et boucle comme ça les 35 premiers kilomètres de cette ceinture parisienne. Le premier ministre de l'époque, c'est Pierre Messmer, il a fait le déplacement, pas un grand déplacement depuis Matignon, vous me direz. C'est quand même l'axe routier le plus fréquenté de France et même d'Europe, ce périphérique. 73, c'est l'inauguration, mais quand les travaux ont-ils commencé ? 17 ans plus tôt. En 1956, d'ailleurs, les projets avaient commencé dès les années 20, repris dans les années 40. Il s'agissait à l'époque de soulager les boulevards des Maréchaux qui déjà commençaient à saturer. Le plan était tout tracé, hein, puisque le périph' suit tout simplement la ligne des anciennes fortifications de Paris, les fameuses fortifs du temps de Louis-Philippe. Elles ne sont plus à cette époque qu'une succession de terrains vagues qu'on appelle la zone. Les plus pauvres d'ailleurs ont élu domicile hein, dans cette zone. On les appelle les zoniers ou les zonards. Depuis la guerre, on a bâti à cet endroit un certain nombre de HLM, donc le boulevard périphérique va se construire tronçon par tronçon à partir de 1956. Comme toujours, j'imagine qu'il y a eu des critiques. Vous imaginez bien, on est en France, on est à Paris même, devrais-je dire. Les premiers à se plaindre ont été les riverains, et on peut les comprendre, hein, puisque c'est un nouvel axe très fréquenté qui va occasionner un trafic d'enfer avec beaucoup de bruit, beaucoup de pollution. Comme disait Pompidou, les Français aiment la bagnole, que voulez-vous que j'y fasse ? Il faudrait expliquer ça à Madame Hidalgo. De nos jours, 270 000 voitures empruntent le périph' chaque jour. Il existe d'autres voies hein, autour de Paris, comme la Petite Ceinture, une ancienne ligne de chemin de fer, enfin, qui aujourd'hui est abandonnée. Ce serait un autre sujet. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h, sur Europe 1. Oui, pour une émission sur la guerre de 7 ans en général et sur les tracas du général Bing en particulier. Et on vous retrouve évidemment pour les retardataires également en podcast.